بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة الدحى في المسألة الحاجة وثلاثين بعد المئتين 131 مسألة بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى qui t'a trouvé perdu et il t'a guidé verset 7 قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. Donc ce noble verset laisse croire dans son apparence que le prophète صلى الله عليه وسلم était un égaré avant la révélation. Alors que dans le sens Allah dit et tourne ou lève ton visage, c'est-à-dire consacre-toi à la religion pure, c'est-à-dire la fitra, la religion pure sur laquelle Allah a créé les gens. C'est-à-dire la vraie croyance pure sur laquelle Allah a créé les gens. Donc ce verset-là démontre que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été également créé sur cette pure religion, cette pure croyance. Quand Allah wa ma'loum annahu lam yuwahiduhu abawa wa nassirahu wa lam yumajjisahu بل لم يزل باقيا على فطرة حتى بعثه الله رسولا ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان هو يتعبد في غار حراء ولذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقاء أهل الفطرة. Donc il dit il est connu que ses parents n'ont pas fait un Yahoud ni un Nasara ni un Nasrani ni un chrétien ni un Majus ni un Maj, donc il est resté sur cette fitra jusqu'à ce que Allah en fasse un messager. Également, parmi les choses qui prouvent cela, c'est qu'au début, avant que le wahi ne lui vienne, il allait adorer Allah Azza wa Jal dans la grotte Hira. قال الجواب أن معنى قوله ظلا فهذا أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل إنما تعلم بالوحي فهادك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. Donc la réponse c'est simplement que le sens de qui t'a trouvé perdu après t'a guidé, c'est-à-dire t'a trouvé inattentif par rapport aux choses que tu connais actuellement comme rite de la religion ou comme secret des sciences de la religion, ce que tu ne peux connaître par la simple fitra, par la simple nature première. Tu ne peux connaître ces choses-là. Ces choses-là tu les connais que par la révélation, par l'apprentissage. Et tu peux également les connaître par le aql. Tu ne peux les déduire par le aql. Par exemple, ton aql ne peut te faire connaître qu'il y a 5 salawat tous les jours. Le sim de Ramadan, tu ne peux pas savoir par ton aql, ce genre de choses. Tu connais ces choses-là que par le wahi, que par la révélation. Donc, Allah t'a guidé à connaître tout cela. Donc le sens dans l'aile ici, l'égarement, le fait d'être perdu, c'est le fait de ne pas avoir de science en fait. C'est le fait de ne pas avoir ce savoir. Wa minhu bihadha al-ma'na qawluhu ta'ala أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى. Dans le sens où Allah dit, par rapport au témoignage, que un homme a un témoignage qu'une femme en il faut deux femmes pour le témoignage d'un homme, car si jamais l'une d'entre elles oublie ou s'égare, l'autre sera là pour la rappeler. Donc il a dit أن تضل, dans le fait que si jamais elle oublie ce qui s'est passé, l'autre sera là pour lui rappeler. Et parmi les choses qui prouvent cela également, قال ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'était le livre ni l'Iman. والمراد بالإيمان هنا شرائع الدين دين الإسلام. Et là le sens de l'Iman dans ce verset là c'est les rites de la religion de l'Islam. وقوله وإن كنت من قبل لمن الغافلين, et que tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Yusuf verset 3. وقوله وعلمك ما لم تكن تعلم, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. An-Nisa, les femmes, verset 113. Et c'est un autre call, mais le call qui est cité actuellement là est le plus authentique des deux et le plus fort des deux. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.